Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire un cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence-Vie, présentation, Prisca Aïman. Bonjour chez vous, que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes dans l'expectative d'écouter la suite du témoignage de Madame Yao, née Assémian et Labra Léa. Elle est mariée, mère de 3 enfants. Elle prie à l'église baptiste missionnaire, le semeur d'Abobo PK 18. On l'a dit qu'elle est mariée, son mari est dans le studio avec nous, il est revenu par la grâce du Seigneur, malgré toutes ses charges, il est là. Parce que lui-même, il a beaucoup de choses à dire pour agrémenter le témoignage de sa femme, de son épouse. Voilà. La semaine dernière, on vous a dit que, à l'entame de l'émission, que le Seigneur lui avait permis de voir l'au-delà, de voir le royaume. Et il avait chargé d'une mission. Peut-être qu'on en parlera à cette émission, on ne sait pas. Mais il y a eu un point d'orgue dans sa vie, la maladie. La maladie. On en parlera au cours de cette émission. Bonsoir, cher couple Yao. Bonsoir, Prisca. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci d'être revenu. La semaine dernière, on s'était séparés sur un goût d'inachevé. Alors, on va continuer les choses. La paix, la joie dans le cœur de Madame Yao, mais les difficultés de tous autres, vraiment l'ont fatiguée. C'est pas facile. Et c'est son mari qui est à l'origine, on en parle. Mais Seigneur, on va pas se fâcher, c'est comme ça. C'est le témoignage et on peut pas falsifier l'histoire. C'est très important. Alors, maman Yao, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu n'étais pas chrétienne. Il y avait les pratiques, voilà, qu'on a décrites à la première émission. Mais ton mari n'était pas vraiment de cette obédience spirituelle, chrétienne. Qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Après la conversion dans le foyer, il faut dire que ça a été difficile, très difficile pour moi. Mon mari me fatiguait, me perturbait beaucoup pour le service de notre Seigneur. Mmh. Parce qu'il ne voulait pas que j'aille à l'église. Il ne voulait pas que tu ailles à l'église. Pourquoi? Il se disait qu'à l'église, quand on va, on prend les femmes des gens. Que quelqu'un allait me prendre là-bas. J'allais divorcer. C'est un appel de jalousie, quoi. Voilà. Il a vu que ses intérêts étaient menacés. C'était un peu ça. Oui. D'accord. On va y revenir tout à l'heure. On veut parler avec M. Yao. M. Yao, bonsoir encore. Bonsoir, Prisca. Alors, pour rendre gloire au Seigneur, on va parler un peu de ce que tu faisais à ta femme, parce que tu n'étais pas chrétien. Tu étais animiste et puis adonné au maraboutage. C'est aussi ton histoire. Mais on veut rendre vraiment gloire au Seigneur, M. Yao. Qu'est-ce que tu faisais à ta femme? Bon, elle n'avait plus assez de temps pour moi. Elle était tout le temps à l'église, les soirs, on ne la voit pas. Bon, donc, même à l'occasion des fêtes, elle n'est pas là pour préparer. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, ça ne te plaisait pas, M. Yao? On ne voyait plus, on ne regardait plus dans la même direction. Vraiment, c'était un peu chose. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile. M. Yao voulait avoir sa femme à côté de lui. Oui. Mais c'était pas le cas. Elle était toujours à l'église en train de prier là-bas. Lorsqu'elle chante, ça me piquait. Bon, écoutez. Lorsqu'elle revenait à la maison, qu'elle chantait, ça vous énervait? Oui. Mais qu'est-ce qui vous énervait? Bon, j'ai oublié un peu ces chants-là. C'est des chants qui piquaient les non-chrétiens, qui les... Bon, je sais pas moi, mais en tout cas, ce sont des chants qui... Qui vous dérangeait un peu? Ça me dérangeait. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. Ou bien? Ou bien vous disiez que elle faisait trop de bruit? C'est le sens des chants qui me dérangeait. Mais dans tous les cas, après j'ai fini par comprendre que on était ensemble dans la même maison, mais on n'était pas guidés par le même esprit. C'est cela. Voilà, finalement, j'ai compris. Mm-hmm. Donc, il y avait une certaine opposition. Opposition. Voilà. De deux forces. Voilà, de deux forces, c'est ce qui faisait ça. D'accord. Et comme, en tant qu'homme, j'ai plus de force qu'elle, donc je la battais. Voilà. C'est ça. Donc, vous l'avez souvent battue, c'est ça? Beaucoup battue. Beaucoup. Beaucoup battue, hein. Voilà. Vous ne voyez pas monsieur Yao, mais pendant qu'il parle, ça lui fait vraiment mal. Ça lui fait vraiment mal, mais je lui ai dit que c'est bon d'en parler pour rendre gloire au Seigneur. Et puis, ça va aider aussi des foyers, ça va aider tout le monde, ceux aussi qui sont en voie de mariage et tout ça. Parce que là, Madame Yao raconte aussi, c'est vrai qu'il la battait. Il lui a même souvent déplacé la mâchoire une fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Yao? Bon, ces jours... Là, je suis allée à l'étude biblique. J'ai fait la bouillie, disons couramment en baoulé, baka, bouillie de riz. Et monsieur n'aimait pas ça. Donc, il n'aimait pas la bouillie de riz. Il n'aimait pas la bouillie de riz, ni la bouillie de mil. Il n'aime même pas la bouillie. Tout ce qui est bouillie, il n'aime pas. Il n'aime pas. Donc, quand je suis arrivée, il m'a demandé qu'est-ce que tu as préparé. J'ai dit non, j'ai fait la bouillie. Parce qu'il se faisait tard, je suis allée à l'église. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'à l'étude biblique, on vous a enseigné là-bas? Il faut m'expliquer. Et je l'ai expliqué ce jour, j'ai parlé de la croix. On nous a enseigné la croix. Et quand j'ai fini de l'expliquer, il a commencé à me frapper. Il a appuyé ma bouche jusqu'à ce que là, ma mâchoire soit déplacée. Mais... Justement, à ce niveau-là, est-ce que tu étais très fâchée contre ton mari? Ou bien tu comprenais? Parce que lui n'était pas chrétien. Et toi, tu l'étais maintenant. Bon, je ne savais pas. Je l'aimais beaucoup. Donc, tout ce qu'il faisait, par l'amour, ça ne me faisait rien. Bon, les autres chers en Christ qui étaient avec moi-même, ils se posaient la question, bon, qu'est-ce qui se passe même? Parce que quand il finit de me frapper... Tu l'aimes toujours. Voilà, les minutes qui suivent là, bon, on est ensemble. C'est ça, hein? Parce que tu l'aimais. Ouais, en ce moment, mes grands frères vivaient. Et celui que je suivais direct, il est venu même un jour dire que ce jeune homme-là t'a envoyé chez Marabout. Tellement il s'est promené trop chez les Marabouts. Là. Oh, c'est l'amour du Seigneur que tu avais en toi voilà. qui faisait que tu arrivais à supporter. Oui, mais tu priais souvent pour lui? Je priais pour lui. Même quand il vient, il va chez les Marabouts, même quand on lui demande sacrifice, je lui donnais l'argent. Je donnais l'argent, je priais et puis je disais à Dieu ce que je dois faire pour que mon mari soit converti. Voilà ce que le sacrifice que je dois faire, que je suis en train de faire. C'est bénis ça. Cet argent. Ah, ok. Et je le remets. Ok, ça c'est une prière quand même. D'accord. Donc là, il y a eu beaucoup de scènes de ménage comme ça. Oui. C'était devant les enfants? Oui. C'était devant les enfants? Oui, c'était devant les enfants. C'était devant les enfants. Alors, on va parler d'une autre partie assez douloureuse aussi. Hein. Tu tombais souvent malade à cause des grossesses. Oui. Ces grossesses ne sont pas... Bon, qu'est-ce qui arrive à ces grossesses-là? Souvent, j'ai mal au ventre. Souvent, j'ai 4 mois de grossesse, de retard. Bon, les douleurs commencent jusqu'à ce que... Parfois, 6 mois, et puis la grossesse... Donc, ça tombait? Ça tombait. Il y a eu combien de grossesses comme ça qui ont échoué? Au moins 8. Bon, 8. Et qu'est-ce que ça te faisait en tant que mère, puisque tu avais déjà 3 enfants? Ça me faisait mal. Souvent, je pleurais, je demandais à Dieu, je suppliais notre Seigneur de me donner enfant encore. Mais je n'avais plus eu d'enfant. Bon. Mais je ne me plaignais pas, je n'ai pas voulu changer. Aller ailleurs pour faire médicaments, je suis resté en Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est cela, et c'est une bonne chose. On va parler maintenant de cette date fatidique du 5 mars 2014. Le 5 mars 2014. Chers auditeurs, écoutez très bien maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Yao, le 5 mars 2014? Le 5 mars, en 2014, on faisait notre chant de veillée dans la région d'Aboisseau. Et on allait au champ, qu'on est revenu la nuit du 5 mars en 2014. Monsieur et moi, nous étions couchés. Et dans mon sommeil, J'ai vu qu'on m'avait ensommé avec une planche sur, au niveau de la tête. Mmh. Et j'ai senti une forte douleur. Et j'ai réveillé monsieur. J'ai dit, ah, on vient de m'ensommer. Que ça ne va pas. En ce moment, il vient d'être converti. Hein. Il m'est converti, donc il a commencé à prier pour moi. Je me lamentais. Jusqu'au petit matin, ma tête était pourrie. Waouh. Ça dit que, en réalité, tu as reçu ce coup-là. Et comment, la tête était comment? Pourrie, là, ça veut dire quoi? Tout était plein. Tout était devenu comme papaye qui est mûr, qui est gâté. On touche ses mous d'une manière. Il y avait le sang. Il y avait le sang plein. En tout cas, c'est comme si quelqu'un, une plaie qui a duré sur la tête, oui. Alors que ça venait à peine se passer. Voilà. Dans le son, j'ai plus en réalité. Monsieur Yao, oui. vous êtes à côté de votre femme, vous avez vu ce spectacle-là? Oui, elle m'a réveillé et j'ai constaté les faits. On a appelé le pasteur, je crois. Oui. Oui. Notre pasteur est arrivé avec son épouse. Il a prié, c'était vers minuit, hein, et le pasteur est parti. La nuit, comment les choses se sont passées? Après cela, nous sommes partis à l'hôpital, ça n'allait toujours pas. C'est ainsi qu'une nuit, elle-même, elle s'est imposée la main, elle a prié, invoqué le Seigneur. Oui, le Seigneur. Puisqu'elle est une chrétienne maintenant. Voilà. Non, voilà. Et elle-même, je ne sais pas s'il faut dire qu'elle s'est délivrée elle-même. Elle a vomi de la chair, de la vraie chair. Waouh. C'était une auto-délivrance. Voilà. Le Seigneur est intervenu quand elle a appelé son secours. Voilà. Elle a vomi de la chair. De la chair, j'ai même vu la chair, il y avait de la graisse, tout cela. Voilà comment les choses se sont passées. D'accord, je reviens à Madame Yao parce que c'est son témoignage. Son mari est là pour des informations complémentaires. Lorsque justement tu t'es réveillée avec cette douleur, tu en as parlé à ton mari comme il a dit, et là, le Saint-Esprit aussi t'a parlé. Oui, le Saint-Esprit m'a parlé en disant que il y a une feuille que je dois aller chercher. Les feuilles là. Elle n'est pas forcément obligée de donner le nom de la plante. Là, hein, voilà. Et je suis allée chercher. J'ai douté. Sincèrement, j'ai douté. C'est pour cela que vraiment c'est la maladie est arrivée là. Ça veut dire que le Saint-Esprit a dit, ma fille, va dans tel lieu, prends cette plante. Voilà. C'était pour faire quoi en fait? C'était pour mettre dans une casserelle et faire bouillir et me laver de la tête juste dans tout le corps. Tout le corps. Mais pour qu'il y ait un rétablissement. Voilà. Pour que tout cela finisse. Et le Saint-Esprit m'a dit, si je fais cela, j'aurai la guérison. Donc toute personne que je verrai qui a la même maladie, que je prenne pour traiter la personne. Mais tu n'as pas cru à ça? Mais je n'ai pas cru. Parce que en ce moment, je n'étais pas collée à notre Seigneur. Comme avant, j'étais beaucoup assidue, je priais beaucoup. La prière avait diminué. Elle avait diminué un peu. Donc j'avais un peu le doute. Est-ce que ce n'est pas Satan à l'époque qui m'utilisait? Est-ce que ce n'est pas le même esprit qui est retourné? Bon. Parce que là, mais qu'est-ce qui posait problème? Est-ce que, je veux dire, tu te disais que le Saint-Esprit ne pouvait pas te dire d'aller prendre une plante? Voilà. C'était un peu bizarre. Je me disais que ce n'est pas vrai, que c'est bon. Comme cela ne m'a jamais arrivé, bon là, j'ai eu du doute et je suis allée vers mon pasteur. Puis je l'ai parlé. Il dit, mais vas-y, va payer et tu vas utiliser que cette plante, c'est biblique. C'est cela. Et je suis allée payer. Malgré que monsieur m'épousait au départ, mais pour lui, là, je ne croyais pas. J'ai pris et quand j'ai mis, le Seigneur m'a dit de me laver avec. Moi, j'ai préféré laver la tête. Donc, quand j'ai lavé la tête 3 jours après, les plaies ont commencé à finir. À finir. Ok. Il y a eu un effet immédiat. Voilà. Ah, c'est bien. Mais j'ai négligé après. Je n'ai plus fait. J'ai fait 2 jours et puis j'ai arrêté. Et la maladie a empiré. Voilà. D'accord. On continue toujours l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après cela, le corps maintenant a commencé à pourrir. Waouh. C'était plus la tête? Non. C'était le corps maintenant. Les boutons sortaient. Oui, parce que moi, je vois, il y a des photos. Là, comme la tête ça, est rasée, il y a vraiment des plaies et tout le corps est rempli de boutons, comme des ulcères. Voilà. C'est comme des ulcères. Oui. Moi, je vois les photos et les ailes devant moi. Waouh. D'accord, c'est pas du tout facile de soutenir ça. Et même pour le corps. Alors, Monsieur Yao. Oui. Comment tu as vécu ça? Le corps de ta femme que tu as vu, que tu as découvert autrefois, voici ce qu'il est devenu. Un tas d'ulcères avec une tête vraiment qu'on ne peut pas décrire. Parce que moi, j'ai les photos sous les yeux. Pour un père, je veux dire un mari, c'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile, mais je tenais quand même bon. Nous sommes allés d'hôpital en hôpital. Et les chrétiens venaient prier, les membres de l'église, le groupe de prière veillaient avec nous. C'était quand même difficile. Difficile. À un moment donné, je me posais même des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'entre-temps, vous avez donné votre vie au Seigneur? Parce que quand vous parlez de groupe de prière, tout ça, est-ce que maintenant vous avez accepté le Seigneur? Oui, oui, bien sûr, oui. Vous avez accepté le Seigneur? Je priais beaucoup, oui, oui. Là, c'était en quelle année? L'histoire s'est passée en 2014. Oui. C'était en 2014. En ce moment, il était déjà chrétien. Il était déjà chrétien. Oui. Il était déjà chrétien. Baptisé, tout et tout. D'accord, ok. Pour ne pas qu'on saute d'étape, parce qu'on vous a connu, vous n'étiez pas chrétien. Oui. Il y avait des scènes de ménage horribles. Et au moment où on parle maintenant de la maladie. Je me suis donné par la suite. J'ai même été baptisé en 2006. Oui, le 15 janvier 2006. Et voilà. D'accord. Donc, on continue sur la lancée. Donc, voilà, on partait faire des traitements, on priait, et bon, ça n'avançait pas. Mais quand vous êtes allé à l'hôpital, oui. Qu'est-ce qu'ils ont pu diagnostiquer? Bon, on était dans les cliniques à Abobo, on traînait dans les hôpitaux d'Abobo, puisque nous-mêmes, nous habitons à Abobo, ça n'allait pas, jusqu'à ce que nous nous retrouvions au CHU de Trècheville. Et là, les choses ont été très claires. On a connu le nom de la maladie. Elle est hospitalisée en dermatologie. Mais c'était quoi? On nous a parlé de pemphigus. Waouh. Pemphigus vulgaire. Et ils vous ont dit c'était quoi? J'ai dit, mais pourquoi vulgaire? On me dit d'abord, pourquoi pemphigus, tout ça d'abord? Bon, on m'a dit qu'on contracte ça le plus souvent par, comment on appelle ça? Les médicaments. Lorsqu'on utilise un produit qui... On fait une allergie. Voilà, suite à une allergie. Mais pour elle... Il n'y avait pas d'allergie. Ce n'est pas une question d'allergie, on ne sait pas comment c'est arrivé. L'ennemi est vraiment mauvais. On traite ça comme ça. Donner une maladie comme ça... Et sans la prière à l'appui, elle ne serait pas devant nous aujourd'hui. Effectivement. Parce que vraiment, ça a été très difficile. C'était difficile. Pendant combien de temps elle a vécu tout ça? Un mois à la maison et 2 mois d'hospitalisation. Un mois à la maison. Pendant ce temps, est-ce que, pardon, Madame Yao, tu ne pouvais pas faire tomber normalement? Non. Peut-être que tu t'essuyais. Non, on ne pouvait pas essuyer. Mais ça faisait mal. Oui, ça faisait mal. Toucher. Je suppose aussi que pour dormir aussi, c'était difficile. Oui. Quand tu dormais, est-ce qu'il y avait du pus, c'est tout ça? Oui. Ou bien, il y avait du pus? Parce que ma peau s'enlevait. Waouh. Ça quittait. Parce que ma chair était déjà cuite jusqu'à... C'est comme si tu te décomposais. Voilà. C'était ça, M. Yao. Oui. Il va ajouter quelque chose. Puisque à la maison, elle se couchait sur un drap, sur le drap. Alors que lorsqu'on a cette maladie, le drap ne doit pas toucher le corps. Ah bon? Au CHU, on nous a recommandé du plastique et qu'on mettait de l'huile là-dessus. De l'huile, ou du beurre de karité. Et elle se couchait là-dessus pour ne pas que ça colle à la peau. Voilà. Or, à la maison, on ne connaissait pas tout cela. Donc, le matin, comme ça, la peau s'arrachait pour rester dans le drap. Waouh. Voilà comment un peu ça se passe. Et j'ai demandé pourquoi, mais la peau s'arrache comme ça. On m'a dit que ses anticorps se sont rébellés contre elle-même. Oh, mais vraiment, on va tout entendre. Ses anticorps. Avec l'ennemi, vraiment, c'est. Voilà. Qui était censé la protéger. La protéger. Se sont rébellés contre elle-même. La rongeait. Donc, ce sont ses anticorps qui la rongeaient. Qui la rongeaient maintenant. Donc, il fallait combattre ça avec des antibiotiques très forts. Et puis, voilà. Mais malgré tout ça, il n'y avait pas d'amélioration. Non. Donc, un mois à la maison et 2 mois au CHU. C'est dans lequel des CHU? Trècheville. Trècheville. Dermato. Quand vous êtes arrivé là-bas, M. Yao, quand vous êtes arrivé au CHU, les gens vous ont vu, ils ont eu un peu peur. Pas du tout. D'abord, on a fait pas habitués, ou bien? Aux urgences. Ils sont habitués à ce genre de maladie. Aux urgences, on n'a pas fait deux heures de temps là. On nous a transféré en dermato. On nous a confié à quelqu'un. Et il nous a reçus. Il a dit que ne craignez pas, que nous sommes habitués à ces genres de maladies. Voilà. Ça, c'est rassurant. C'est bien comme ça. Donc, c'était pour nous... Oui. C'est l'encouragement. Et on m'a demandé, le médecin m'a demandé, est-ce que vous croyez en la sorcellerie lorsqu'il remplissait la fiche. J'ai dit oui. Il dit, mais comment, expliquez-nous un peu. Il dit, mais, ah, bon, je ne sais pas s'il faut parler de ce détail-là. On peut parler des détails sans dire les noms. Hein. Je veux dire, s'il y a des noms de personnes, on ne va pas en parler. À la maison, voici ce que nous avons entendu de la bouche de la nièce de madame. Elle nous a dit qu'elle serait à la base de cette maladie. Elle a confessé ça, elle est passée aux aveux. Elle a confessé, elle est passée aux aveux avant qu'on aille au CHU. Parce que le Saint-Esprit est en action déjà, donc voilà. Il fallait passer aux aveux. Il a dit, bon, ok, ça c'est ce que vous, chrétiens, vous dites, mais nous, on va voir ici. C'est cela, c'est ce qui a été dit. Donc, à la base, il y avait la sorcellerie. C'est ça. Même si on ne relevait pas ça, on sait que vraiment, c'était vraiment, à la base, il y avait la sorcellerie. Donc, pendant 2 mois, monsieur, pratiquement, il était toujours à l'hôpital. Et avec les enfants, comment ça se faisait? Qui avait la garde des enfants? Bon, les enfants sont déjà grands. Ah, ok. Le dernier a 25 ans. Waouh. Et la deuxième, parce que la grande avait un bébé à main. Et la deuxième, qui était là-bas au CHU, auprès de moi avec ma grande sœur, qui est venue d'Aboisseau. C'est les deux qui me surveillaient et monsieur faisait la navette quand il y avait besoin de quelque chose. Et c'est lui qui faisait venir de l'argent. Et puis... C'est ça aussi, voir comme ça sa mère souffrir, il faut dire que ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et nous tous, on sait, tous ceux qui nous écoutent aussi savent que de telles situations, ça c'est pas du tout facile. Donc, vous étiez là-bas. Et je veux dire, on va pas manquer de dire que... Je veux dire, c'est évident que ce traitement était coûteux. Ah oui. C'est ça, on en parle. Au CHU, où nous connaissons. À l'hôpital, vraiment. Les hôpitaux. Hein. Oui. Donc, à moyenne par jour... moyenne. Lorsque la situation a commencé à s'améliorer, c'est à moyenne 30 000 francs par jour. 30 000 francs par jour. Ça, c'est lorsque les choses ont commencé à aller, hein, après un mois. Sinon, avant, c'était combien? Ouh là là. 50 000? Ouh, plus que ça. Plus que les analyses chaque jour avec les médicaments, vraiment. Les ordonnances par-ci, par-là. C'était une histoire de 100 000 francs par jour. Waouh. Au début. Au début. Au début. Oh, elle est, oui, la deuxième fille avait un bon Dieu, avait un bon mutuel. Et c'est beaucoup ça là qui nous a sauvé. Nous a sauvé un peu, mais toujours est-il qu'il y avait une sortie d'argent qui était récurrente. C'est cela. Hein. Pendant 2 mois, madame Yaron, on t'a gardé là-bas. Oui. On t'a gardé là-bas. D'accord. Et 1 mois d'abord à la maison, plus 2 mois. À l'hôpital, ça fait déjà 3 mois de maladie, sans amélioration aucune. D'accord. Et les médecins, ils étaient toujours rassurants? Ou bien quand ils voyaient, ils vous ont dit quand même la vérité un jour? Puisque tous ceux qui venaient, qui avaient la même maladie, ils mouraient. Ok. J'étais la seule. Ils viennent me trouver, ils meurent et je suis là. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas mis le temps que... On dit la maladie, en principe, tu as une semaine pour vivre. Waouh. Ou tu dois mourir. Waouh. Si une semaine passe que tu vis, c'est que tu es faute. Tu es faute. À Jésus. Oh là, il y avait déjà 3 mois. Oui. Ça, vraiment, les auditeurs, j'espère que vous saluez ça. Déjà, vous saluez déjà le miracle du Seigneur. Hein, parce qu'une semaine, de une semaine jusqu'à 3 mois, c'est déjà le miracle du Seigneur. Vous allez comprendre beaucoup de choses la semaine prochaine pour la troisième émission qui est consacrée à Madame Yao, née à Sémion, Léa. La troisième émission va s'articuler justement au message du Seigneur à sa servante. Il est passé donc par une sorte d'enlèvement, on va dire ça comme ça, puisqu'elle est décédée. Qu'est-ce qui va se passer après? Elle est vivante, hein? Elle est avec nous ici, mais pourtant, elle est décédée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va savoir la semaine prochaine. Mathias, merci beaucoup d'avoir réalisé cette émission. Mathias Kwame, prescrivant ce microphone. On vous donne un rendez-vous assez important la semaine prochaine pour la suite et la fin du témoignage de Madame Yao. Shalom. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth.